même à Montréal, mais je parle pas pour ça. Là, c'est pareil. Mm-hmm. Fait, comment qu'on parle aux gens? C'est encore une science, c'est encore partie de la vibration. Ni les gens sont pas des idées, ni les gens savent que quand tu es un personnage public, faut que tu te protèges un petit peu de beaucoup de monde, et ainsi de suite, sans ça, depuis de vie privée. Fait que puis les gens respectent ça. Fait que, mais c'est comment qu'on approche, comment qu'on parle, puis comment qu'on parle, mais c'est comment qu'on respecte. Si je parle avec respect, il comprend. Si je parle pas avec respect, je suis suspendu, c'est de grâce, whatever. C'est ça. On fait constamment ces erreurs-là. C'est là que, c'est pour ça que je dis que l'homme n'a pas de conscience. L'homme peut être intelligent, mais il n'a pas de conscience. Donc, il n'y a pas de conséquence à magnétiser. Il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence à magnétiser quand tu es conscient. Il y a une grosse conséquence à magnétiser quand tu es inconscient. Parce que quand tu es inconscient et tu magnétises pour un petit quelconque. Tu magnétises pour un but quelconque. Tu magnétises pour quelque chose. T'as une stratégie de part. Tandis que quand tu es conscient, tu magnétises pas pour magnétiser. Tu magnétises parce que ça t'appartient des lois vibratoires de l'esprit de rencontrer l'esprit. C'est ça magnétiser. Mm-hmm. C'est pour rencontrer l'esprit. Magnétiser, c'est pour rencontrer l'esprit. Tu veux rencontrer l'esprit de quelqu'un, tu magnétises. Mm-hmm. Tu mets son esprit en vibration par rapport au tien. C'est ça magnétiser. Parce que l'homme magnétise pour retirer quelque chose. Ça, ça fait pas partie des lois de l'esprit, ça fait partie des lois de l'âme. Ça fait partie des lois astrales. Est-ce qu'on dirait que l'esprit magnétise puis l'ego séduit? Ok, I like that. Bon, mais la séduction, c'est de la magnétisation. Fait que l'ego inconscient est séduit, donc il magnétise pour avoir. Tandis que l'esprit magnétise, ça fait partie de sa lumière, ça fait partie de son contact avec d'autres esprits, ça fait partie de, à travers l'homme, de son contact avec l'homme. Comment voulez-vous que les hommes créent une communauté permanente entre eux? Comment voulez-vous que les races se rencontrent, que les variantes disparaissent, que l'homme rencontre l'homme, au-delà des couleurs, puis des richesses, ainsi de suite. Faut que ça se fasse à travers l'esprit. Puis l'esprit a le pouvoir de magnétiser. Maintenant, quand on parle de se protéger dans la vie, on parle souvent de fermer. Quand vous parlez de magnétiser, on parle pratiquement d'ouvrir vers l'extérieur. Et puis vous dites qu'un être conscient est pratiquement protégé par sa lumière. Est-ce que ça veut dire qu'une personne dans un état de conscience élevé est capable d'ouvrir sans jamais fermer ou n'est pas obligé de fermer d'aucune façon parce qu'il sait parfaitement magnétiser ou il sait quoi faire? Non. C'est jamais le problème de celui qui magnétise. L'homme qui magnétise, l'homme est capable de magnétiser. Un homme conscient est capable de magnétiser. Le problème, c'est que les êtres qui magnétisent se laissent magnétiser. Ça, c'est intéressant. Okay. En se laissant magnétiser, mais là, ils s'astralisent, la vibration spirituelle vient en jeu, leur amour pour l'âme, et tout, puis finalement, ils s'étouffent. Mm. Moi, je veux pas être étouffé, je veux bien que les gens disent, alors, bon, là, ben, rien, c'est un jeu. Mais là, si les gens s'approchent trop, puis les gens créent trop de personnalité, mettent trop d'importance sur la personne qui magnétise, ils enlèvent de l'importance sur leur personne, et c'est ça qu'ils prenaient. À ce moment-là, mais celui qui magnétise, s'il est moindrement conscient, il va mettre des barrières. Mm. Il y a un type d'ancêtre quelque part en arrière, là, loin, lui, à haut, fond, là-bas, là, lui-même. Mais il commence à comprendre, là. Lui-même, si tu veux, c'est une maladie, il m'aime, puis je comprends qu'il m'aime, je fais, papa. Puis j'ai dit souvent, c'est pas bon, faut pas que tu m'aimes trop un petit peu, mais un petit peu c'est beaucoup, faut pas que tu m'aimes trop, parce qu'un jour je t'appellerai pas, m'a passé sa vie, je te dirai même pas bonjour, parce que pour t'aider à vivre ton identité, ça va être englobé ton identité dans ma personne, Fait que, faut que je te dise, elle m'a pas trop, là, il se sent bien. Depuis 2 ans, il m'aime moins. Un soir, il m'a demandé à Québec d'aller manger au restaurant avec lui, j'ai dit non. C'est ok, no problem. Il est bien, il m'aime bien. Moi, j'avais dit non, il y en a rien. Puis une autre semaine, je suis allé, puis j'ai dit, je vais l'inviter, puis je suis allé manger avec lui, puis sa femme, j'étais content, c'était le fun. Puis je voyais, là, qu'il y a plus, il m'aime moins. Ça veut pas dire qu'il m'aime moins, ça veut dire qu'il s'aime plus. Ah ouais. Ok. Tiens. C'est ça, là, quand on parle de protéger, on parle aussi, disons, dans un sens, de s'occuper de soi. Oui.

Fait que quand t'as du temps à perdre, t'es chez vous, puis t'es pas intéressé de travailler, t'es pas intéressé d'écrire, des fois t'as une petite communication avec un bel téléphone, tu dis, bon, mais c'est quoi ça? C'est quoi ton statut, toi? Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu le président, président? T'es-tu le bureau de boss? T'es-tu un éternel? Tu travailles-tu à un niveau local? Tu travailles-tu à un niveau univers? Tu sais? Fait que tu placotes. Mm-hmm. Mais tu vas être la côté de même pour faire des bonnes lignes pour que t'es le brut. Merci vraiment.